Bonjour, vous écoutez un CD de la maison de production Si c'était prod, appartenant à l'artiste Étienne plus A. Merci d'avoir choisi notre compagnie et à très bientôt, j'espère. Si c'était prod.